Allô ? Allô, Jennifer ? Ouais, ça va, Marjo ? Ouais, toi ? Tu sais pas ce qui m'arrive, j'ai créé un blog. Non ! Youpla, youpla, youpla, youpla ! Youpi ! Putain c'est trop le fun, j'ai créé un blog, vas-y sans hésite, vas-y lâche tes com. Putain c'est trop le fun, j'ai créé un blog, vas-y sans hésite, vas-y lâche tes com. Salut je me présente, je m'appelle Jennifer, ta raquette machine, dont je sais pas quoi faire. Mais depuis que mon bled a été câblé, je passe toutes mes journées à journée dans mon PC. Tout le monde en a un, qu'il soit gros maigre ou crétin, alors pour être dans le loup, j'en ai créé un. Putain c'est trop le fun, j'ai créé un blog, vas-y sans hésite, vas-y lâche tes com. Putain c'est trop fun, j'ai créé un blog, vas-y sans hésite, vas-y lâche tes com. J'ai créé un article sur mon chien, putain c'est fantastique, j'envoie la balle, il revient. Et pour montrer que j'avais l'esprit plutôt engagé, j'ai mis tout plein de slogans de l'UMP. Dédicace à toi, Sarko, on t'aime. Putain c'est trop fun, j'ai créé un blog, vas-y sans hésite, vas-y lâche tes com. Putain c'est trop fun, j'ai créé un blog, vas-y sans hésite, vas-y lâche tes com. Putain c'est trop fun, j'ai créé un blog. Putain c'est trop fun, j'ai créé un blog. Putain c'est trop fun, j'ai créé un blog. Putain c'est trop fun, j'ai créé un blog. http://, Didier et Vivien.new.fr